Alors bonjour tout le monde et bienvenue à cette nouvelle émission de Ça roule Radio. Mon nom est Luc Desormeaux et encore une fois cette semaine, je serai l'animateur de cette belle émission. Et comme co-animateur, j'ai encore cette semaine le grippé, Marc Bouchard. Salut Marc. Salut, ouais, effectivement, je t'avais de me partir un sideline, là, le 1976 Marc, avec ma petite voix. Sexy. Bonjour, comment allez-vous? Ouais, c'est ça. Ouais, mais c'est parce que tu pourrais juste marcher quand t'as la grippe, donc tu t'arrangerais pour toujours avoir la grippe. Puis, mais quoi, à chaque fois, là, présentement, t'étais en Californie pour t'es allé dans un événement de Mazda. À chaque fois que tu vas en Californie, tu pognes une grippe carabinée. C'est presque immanquable. Faudrait presque dire au constructeur de plus jamais t'inviter quand c'est en Californie. C'est plate. Écoute, en fait, le problème, c'est pas juste la Californie, c'est beaucoup plus l'avion. Ouais. Je t'avoue que je suis probablement très sensible aux millions de cochonneries qui volent dans les avions. Ouais. Mais bref. Ouais, En c'est même ça. temps, tu sais, je me plains pas, là. Mais non, mais en fait, ça avait commencé. Je dois admettre que ça avait commencé chez nous, un petit peu. OK. Puis là, ben, qu'est-ce Ça que tu veux? s'est pas amélioré avec le temps, puis t'as exporté tes microbes dans la terre de Trump. Exactement, mon cher. Ah, mais c'est pas pire. Exactement. Mais au moins, il a pas empêché les communications. On est capable de faire l'émission à distance quand même. Donc, Skype n'est pas coupé entre le Canada et les États-Unis au moment où on se parle. Non, mais c'est très drôle parce que je suis dans la région de San Diego, il faut que je le précise, et notre randonnée nous a menés justement le long de la frontière, là où il y a ce qu'on appelle des border patrols, là, il y a vraiment des contrôles absolument partout. C'est assez spectaculaire même. Et la façon dont il s'est fait, là, c'est vraiment. Il y a littéralement un mur, là. Il y a déjà des grilles très élevées. Écoute, ça sera pas long à construire un mur, je te jure. Ben, ça va coûter cher, par exemple. Mais bon, on verra bien s'il va de l'avant avec son idée un peu saugrenue de faire un mur toute la longueur du territoire pour séparer les États-Unis puis le Mexique. Là, on parle politique un peu, là, mais si on regarde vraiment là, le terrain à couvrir, il y a des places que c'est absolument impossible et puis ça coûterait vraiment trop cher. Là, on parle de presque 75 milliards pour construire un mur de la grandeur parce qu'il y a tellement de places où il n'y a même pas de route encore. Il faudrait construire des routes pour après ça amener le stock pour construire le mur. C'est comme presque impensable. Mais bon, Oh, ouais, c'est ça, mais. regarde, il a fait son idée, on verra s'il va se rendre jusqu'au bout. Mais bon, Marc, Exactement. on n'est pas là pour parler politique et surtout pas de Donald Trump. On va être un petit peu plus. On va égayer ça un petit peu plus. Tu vas nous parler d'un événement que tu n'as pas le droit de tout nous dire présentement. Là, ça va aller un peu plus tard, mais tu es en Californie pour essayer deux voitures de chez Mazda, le nouveau CX-5 et la, je pourrais dire, très attendue Mazda MX-5 RF, qui est la version à toit rigide de la populaire Miata, voiture qu'on aime tous les deux pas mal. Ah, écoute, et je suis profondément amoureux de la RF. Je te Ouais, le dis. elle est belle, elle est belle. Le problème, c'est que j'ai posté une photo sur Facebook et que, en la voyant, ma femme m'a envoyé un mot en disant, commande-en une. Ce que je n'ai pas encore fait, je dois te le dire. Parce que c'est quand même 42 000 $ ou à peu près. Ouais. Écoute, la voiture est déjà arrivée chez les concessionnaires. C'est un peu étonnant qu'on ait un embargo sur les impressions de conduite. J'ai donc pas le droit de te dire comment se comporte la MX-5 RF OK. sur la route. Ce que je peux te dire cependant, c'est que c'est une voiture qui, comme tu l'as mentionné, est un dérivé de la MX-5 actuelle. Elle en reprend donc tout le design, tout le style, toute l'allure. Le fameux style Kodo, là, qui est la philosophie de design de Mazda, mais aussi ce qu'ils appellent le Jimba Itai. OK, le Le Jimba cavalier et Itai. sa monture. Non, le cavalier ne fait qu'un avec sa monture. OK. C'est ça, Jimba Itai. Alors, ce que ça veut dire, en fait, c'est qu'on a tout simplement tourné toutes les composantes de conduite vraiment vers le conducteur. C'est une voiture qui fait plaisir à son pilote, même si elle n'est pas super puissante, parce que sous le capot de la RF se cache exactement le même moteur que la MX-5. Donc, on parle de moteur 2 litres, 4 cylindres, 155 chevaux, disponible avec une boîte automatique ou une boîte manuelle qui est exactement la même que celle que l'on retrouve sur la MX-5. Donc, j'ai pas le droit de te dire comment ça se conduit, mais tu sais comment se conduit une MX-5? Moi, ouais, j'ai oui. Alors, et ça, je peux te dire que c'est super le fun de conduire, j'ai le droit de le faire. Ouais. Donc, c'est vraiment une voiture qui est très, très belle. En termes de style, elle est incroyable, incroyable. Vraiment incroyable. Moi, je la trouve superbe. Et on a vraiment fait un beau travail au niveau du toit. C'est un toit rigide, rétractable en 13 secondes à peine. Ouais. Ça commence à être très vite. Tu peux le faire jusqu'à à peu près 10 km heure. OK. Tu peux pas le faire plus vite que ça, cependant, mais c'est vraiment, vraiment incroyable. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont vraiment porté une attention très particulière à certains détails. Par exemple, tout le mécanisme, comme dans l'ancienne version à toit rigide d'ailleurs, là, tout le mécanisme va dissimuler le coffre, mais pas dans le toit, mais pas dans le coffre. OK. Il le met vraiment ailleurs. Donc, ça permet de ne pas pénaliser l'espace de chargement, qui est déjà assez réduit, il faut le dire, dans une MX-5, là. Ouais, c'est pas la voiture de prédilection pour aller faire ton magasinage la fin de semaine. Non, effectivement. Non. Alors, ça, c'est vraiment une des bonnes nouvelles. Alors, évidemment, tout ça fait que, bon, évidemment, l'espace de chargement, là, c'est dans une MX-5, c'est limité. L'espace à l'intérieur de l'habitacle, c'est tout aussi limité que tu as un toit rigide ou pas. Donc, t'as vraiment, là, c'est vraiment un calque de la voiture actuelle avec un toit rigide qui est absolument, absolument, absolument spectaculaire, je dois le dire. Il est vraiment, vraiment beau. Et, tu sais comment, souvent, quand tu as des toits comme ceux-là qui sont un peu compliqués, tu as l'impression que c'est le mécanisme, il y a comme des plaques qu'on voit un peu partout, là, tu sais, t'as l'impression que ça a l'air pas fini. Alors, dans leur cas, ils ont vraiment fait un beau travail de détail pour s'assurer que le mécanisme était bien dissimulé. Alors, c'est vraiment, vraiment super beau. OK. Pour le reste, comme je te dis, j'ai pas le droit de te dire comment elle se conduit. Alors, on va être obligé d'attendre la semaine prochaine, mais c'est vraiment cool. Et la seule différence, en fait, la vraie différence, c'est qu'elle pèse maintenant 100 livres de plus. Ouais, à cause du toit, Parce ça doit que. pas faire une grosse différence. Est-ce que ça a changé est-ce qu'ils ont quand même été capables de garder la répartition 50-50 ou là, c'est un petit peu débalancé ou? Ouais, il y a un léger changement, mais pas vraiment infime. C'est sûr que le poids est plus vers l'arrière parce que c'est là qu'on a mis le toit. Ok. Mais bon, il n'y a rien là. Ok, c'est Un pas petit majeur. détail cependant, il n'y a pas de version de base. Ok. Tu sais, tu as la GX, la GS ou la GT, là. Ouais. Dans le cas de la RF, tu n'as pas de GX. Ok. Tu passes de GS à GT. Ça veut dire donc une voiture qui arrive avec un peu plus d'équipement, avec le High Active Sense au niveau de la sécurité et tout. Donc, ça donne quand même des résultats intéressants. Ok. Il y a Est-ce qu'on deuxième question comme voiture ça, aussi. est-ce qu'on perd un peu d'espace? Tu sais, le toit, Pas du est-ce tout. que... Non, on perd pas d'espace à l'intérieur malgré Pas du tout. le toit. OK, c'est bon. Non, puis c'est vraiment dans l'ancienne génération, là, la façon dont il se dissimule, ça ne vient pas empiéter du tout sur rien. Ce que ça pénalise cependant, c'est la visibilité trois quarts arrière. OK, ouais, ça c'est Parce que là, normal. l'espèce de gros pilier qui est là va te pénaliser un peu sur la visibilité, mais Bah, OK. c'est pas majeur, vraiment. OK, c'est bon. On a aussi essayé une deuxième voiture, et c'est le nouveau CX-5. Okay. Nouveau, Encore une nouveau ou fois, nouveau ou légèrement refait, ben, nouveau pas mal, je te là? dirais. OK. Parce que, encore une fois, je ne peux pas dire comment il se conduit, les impressions de conduite sont sous embargo jusqu'à lundi, mais ce que je peux te dire, c'est qu'ils ont vraiment modifié pas mal d'affaires. Oui, la plateforme est la même, oui, la transmission est la même, mais ils ont fait des modifications, par exemple, au niveau de la direction, au niveau de la façon dont la direction est reliée à l'ensemble du châssis. Ils ont mis ce qu'ils appellent des bushings. Là, je cherche encore le mot français pour bushing, mais ils ont changé ça de place pour rendre le contact plus direct. Écoute, dans le moteur, ils sont allés changer. Écoute, c'est des affaires microscopiques, littéralement. Ils sont allés modifier certains joints dans les pistons pour s'assurer qu'il y avait moins de friction. Ils sont allés modifier des petits racloirs qui sont installés aussi dans les pistons pour racler l'huile le long des parois, pour améliorer la friction. Ils ont fait des petits micro-changements comme ça. Ça permet de gagner 3 chevaux. Wow. C'est clair que c'est pas, ouais. Ça va C'est faire pas. ça va faire une grosse différence. Non, tu le sens pas. Par contre, ce que tu sens plus, c'est que la voiture est plus nerveuse au démarrage. OK. Ça, tu sais, là, tu sens que mettons, le throttle répond mieux. On a refait l'intérieur aussi. Le design de l'intérieur est beaucoup plus beau. On a bien sûr gardé certains éléments qui étaient là, mais entre autres, les buses d'aération ont été modifiées, sont beaucoup plus jolies comme elles sont là. Bref, on a fait vraiment un bon travail de revamping. Et ce sur quoi on a énormément travaillé, c'est l'insonorisation. On a mis toutes sortes d'affaires. Écoute, on a nommé des centaines de trucs qui sont vraiment là. C'en est ridicule, là. Tous les détails qu'ils ont fait, ils ont modifié certaines soudures, la façon dont c'est fait. Ils ont mis du tapis partout en arrière au lieu de laisser des endroits où il n'y avait pas de tapis. Ils ont mis des fenêtres laminées de chaque côté. Avant, tu en avais juste sur le pare-brise. Maintenant, ils sont laminés partout. Alors, tu as des dizaines comme ça de modifications qui ont été faites pour l'insonorisation. Donc, on a vraiment joué très, très fort cette carte-là. On a aussi joué la carte du meilleur système sonore, c'est-à-dire que on a modifié l'emplacement des haut-parleurs, par exemple, et on a amélioré certains éléments. Donc, comme le son est meilleur à l'intérieur, comme tu n'es plus obligé de crier quand tu es passager, ben généralement, t'es correct là aussi pour entendre la musique, le son est meilleur. Alors, bref, dans l'ensemble, c'est une belle réussite du point de vue esthétique. Il est très beau. On a refait le devant un peu comme le CX-9, si tu veux. On a gardé là aussi des phares, des blocs optiques que l'on reconnaît. Il y a la fameuse couleur rouge cristal, Red Soul Crystal, qui a été conçue spécifiquement pour le CX-5 et qui a été dessinée en collaboration avec les ingénieurs et les designers. Donc, c'est vraiment une peinture qui a été faite pour ce véhicule-là. Bon, c'est bon. Alors, c'est vraiment, là, on joue vraiment la carte comme ça. Au menu, ben, c'est toujours un moteur 2 litres pour la version de base avec une boîte manuelle, mais c'est la seule. Toutes les autres versions après tombent avec une boîte automatique et avec un moteur 2,5 litres. OK. Donc, on joue la carte du plus petit moteur et transmission manuelle pour aller chercher l'entrée de gamme, là, les gens qui veulent un modèle pas trop cher. Puis après ça, ben, on commence à transmission automatique de base. Et puis, j'imagine qu'on a encore GS, GX, GT avec la traction intégrale dans la GT puis la transmission automatique et tout ça. C'est ça, exactement. Là, c'est OK. toujours. Ça n'a pas beaucoup changé de ce point de vue-là. Comme je te dis, oui, c'est nouveau, mais c'est pas tout à fait là, nouveau complètement. OK. Dernier détail, parce qu'évidemment, tu vas me poser la question, je le sens, tu es trop curieux. Le diesel. Ben, le diesel, on nous a confirmé qu'il y aurait bien un diesel, mais le diesel en question va arriver seulement cet automne. Donc, pas tout de suite. OK, on verra bien. On avait eu à peu près la même chanson pour le diesel dans la Mazda 6 qui est jamais arrivée. Fait qu'on verra. Comme on dit, je vais le voir quand je vais le croire quand je vais le voir. Mais Effectivement. ça serait Mais bien. non, je pense que ça devrait arriver bientôt. En Super. tout cas, on va le souhaiter. C'est bon. Donc, Marc, on va faire une petite pause, mais on va revenir avec nos essais de la semaine. Alors, nous sommes de retour et Marc, tu vas nous parler de ton essai de la semaine. T'as été Monsieur Vert la semaine dernière, t'as roulé en BMW i3 et t'as connu, bon, pas certains problèmes, mais t'as eu un beau petit périple pour aller à Ottawa. Parle-nous un peu de la voiture et un peu de ton voyage en même temps. Oui, ben je vais commencer par parler de la voiture, parce que ça, c'est la partie le fun. J'aime beaucoup cette voiture-là, honnêtement. Elle a un style qui est très particulier, elle a un intérieur qui est tout à fait unique. Les matériaux c'est des matériaux recyclés. Même la fibre de carbone qu'on utilise pour l'assembler est faite dans une usine qui est alimentée par des éoliennes. Bref, on joue vraiment la carte verte totale. L'intérieur est extrêmement moderne. La position de conduite est agréable. C'est sûr que c'est une silhouette qui est un peu unique en son genre, mais moi, j'aime beaucoup. À l'intérieur, l'ergonomie, c'est différent, mais une fois qu'on s'y est habitué et on s'habitue très rapidement, on est vraiment très à l'aise là-dedans. En tout cas, moi, bref, j'aime beaucoup. C'est OK. sûr que les portes arrière, les portes suicides, on pourrait peut-être revoir ça parce que c'est pas nécessairement l'affaire la plus pratique au monde. Mais au-delà de ça, comme j'ai pas embarqué vraiment de passagers, ça n'a pas changé grand-chose, dans ma vie. OK. Le bémol, c'est que j'avais la voiture i3 avec ce qu'on appelle le REX, là, le prolongateur d'autonomie. C'est un moteur à essence 2 litres, 2 cylindres, un petit moteur de moto finalement, qui permet d'augmenter l'autonomie de 125 km. Ouais, c'est le réservoir à essence qui est minime, là. C'est comme Le réservoir à un bidon essence, d'essence à peu près, là. Il n'y a il y pas a 7 grand-chose. litres précisément. C'est ça. C'est pas. OK? Bon, j'ai voulu être fin. Je me suis dit, je dois aller à Ottawa. On va en parler un peu tantôt d'ailleurs dans les nouvelles, pourquoi je suis allé à Ottawa. Je suis allé essayer des pneus d'hiver. Donc, je me suis dit, je vais le faire. J'ai la voiture électrique pour le faire. Donc, je l'ai chargée au complet. Elle était prête au complet. J'avais mis de l'essence au complet. Et j'avais calculé mes distances pour partir de la maison. Je reste sur la rive sud dans la région de Saint-Hyacinthe. Pour me rendre jusqu'à Ottawa, je pouvais arrêter à Rigaud. Rigaud, où il y a une borne de recharge rapide de 440, Ouais, du circuit électrique, qui, ouais. ouais, qui normalement. J'ai ma carte de membre du circuit électrique d'ailleurs, là. Ben oui, j'ai resté. Ben j'ai pas resté surpris. Je me suis dit qu'un gars comme toi devait être préparé, mais quand même, que t'aies ta propre carte. J'ai trouvé ça cool. T'sais. Parce que moi, j'ai la Oui, mienne, là, mais tu sais, absolument. mais j'ai une voiture électrique. T'sais. Mais c'est ça. Moi, ça fait longtemps que j'ai ma carte, là. Mais en tout Oh, cas, ouais. alors tout ça pour dire que donc j'ai planifié mes choses, j'ai regardé ça, j'ai planifié mon circuit. Je me disais, je vais me rendre à Rigaud, il n'y a pas de problème. Rendu là, je me branche à la 440, je suis capable de me recharger. BMW dit 75% en 30 minutes. Ouais. OK, ça, c'est ce que BMW nous dit. Alors, je suis parti. Bon, là, on va dire toutes les conditions parce que, tu vois, je suis très transparent. Il faisait froid. Ça, c'est clair. Ouais. Même si j'ai très peu utilisé le chauffage, j'ai utilisé un mode qui s'appelle Econo Pro. Parce qu'il y a trois modes hein, sur la i3. Tu as le mode traditionnel, le confort. Tu as le mode Econo Pro Plus, qui, lui, limite ta vitesse maximale à 80 km/h et ne t'empêche d'utiliser la climatisation et le chauffage. Et tu as le mode Econo Pro qui, lui, maximise toutes les conditions, mais te permet quand même là, de rouler jusqu'à 130 km/h, ce que je n'ai pas fait parce que j'ai respecté religieusement et scrupuleusement les limites de vitesse. Et tu peux à ce moment-là utiliser aussi le chauffage. Bref, je suis donc parti fier de moi, en sachant bien sûr que j'avais beaucoup d'autoroutes et que ça avait aussi une influence sur la consommation d'électricité et notamment la régénération d'électricité parce que je freine pas beaucoup sur l'autoroute, c'est normal. Ben, j'ai failli pas me rendre à Rigaud parce que j'avais non seulement vidé la batterie électrique, mais j'avais vidé presque le carburant au complet. J'étais à 17 km d'autonomie quand je suis arrivé à Rigaud. C'est le temps que t'arrives. C'était comme le temps que j'arrive. Je me suis arrêté. J'ai fait le plein d'essence de mon fabuleux 7 litres. J'ai branché ma petite machine pendant 31 minutes. Ça m'a coûté 5 $ et quelque chose pour me retrouver dans la voiture avec 33% de batterie. Ouais, fait que le 75% à 30 minutes, on repassera. On repassera là. Ça n'avait rien à voir. Et j'ai fait tous les réglages là. Là, il y en a qui vont me dire, oui, mais la borne était froide. Écoute, là, je dis. Et en même temps, oui, tu peux régler là, la puissance du câble, tu sais, dedans, la puissance de recharge. J'ai tout mis ça à maximum. Tout était beau, tout était conforme. J'avais fait mes devoirs, je savais où je m'en allais, mais ça a juste comme pas marché. Ça a tellement pas marché, en fait, qu'entre Rigaud et Ottawa, j'ai été obligé, une fois de plus, de vider ma tank à essence et de m'arrêter de nouveau dans une station-service pour remettre du carburant. Ouais, c'est. J'avoue, T'arrêtes pas souvent, trouvé ça très toi qui dis souvent que t'étais ami avec ton pompiste, une chance que c'était pas un pompiste dans ton coin parce que tu serais vraiment. Il t'inviterait à son party de Noël. Ah non, c'est clair. Non, moi, il ne m'invite pas sur cadeau, sur partie de Noël avec un char de même, il me donne un cadeau, c'est sûr. Ouais, c'est ça. Écoute, c'est vraiment trouvé ça extrêmement désagréable. Ouais. J'étais parti de la maison à 4h30 le matin parce que je devais être à Ottawa à 8h15 et je me suis dit, je vais me laisser une marge, tu sais. Ça prend 2h30 d'habitude, là. OK? Ma voiture à essence, ça, c'est 2h30 porte à porte. Mais là, ça m'a pris. Je suis arrivé à 8h25 à Ottawa. Ça m'a pris près de 4 heures. Comment ça fait long? Alors, écoute, c'est le plus long. C'est 267 km. C'est le plus long 267 km de ma vie. J'étais en train de pogner les nerfs. Et pas pogner les nerfs parce que la voiture est inconfortable. Pas pogner les nerfs parce que. Mais tout simplement parce qu'elle n'a pas rempli ses promesses comme elle le devait. Et que toutes les craintes que j'avais de la voiture électrique. Ben, j'étais en train d'y vivre, à calculer le nombre de kilomètres qui me restait d'autonomie, à calculer c'est où la prochaine station. Quand je suis revenu, j'ai été là une demi-journée, au musée où j'étais, il y avait une borne de recharge. J'ai donc branché la voiture pendant 5 heures. Elle était pas complètement rechargée encore. Elle était à 123 km d'autonomie au lieu de 160. Et j'ai réussi à me rendre à Rigaud en revenant. Puis après ça, j'ai fait ben, de la chenoute, l'électricité. Je me suis rebranché une demi-heure, j'ai refait le plein, puis j'ai encore travaillé avec l'essence. Mais bref, tout ça pour dire que la BMW i3, c'est une magnifique petite voiture, super agréable. Oui, elle peut vous mener là où vous voulez, mais vous devez le planifier, vous devez le prévoir. Et non, c'est loin d'être la solution idéale, surtout qu'elle vaut 61 000 $. C'est un peu où ça bug dans, tu le sais, je suis pro voiture électrique et tout ça, j'aime beaucoup. La i3, je trouve c'est intéressant. Je l'ai pas conduit, j'aurais peut-être probablement jamais la chance de la conduire, mais je la trouve chère. Tu peux avoir deux Chevrolet Volt pour le prix d'une i3, puis la Chevrolet Volt va te donner beaucoup plus, beaucoup moins de stress de manquer d'électricité puis de manquer d'essence. Le réservoir est quand même assez gros. L'autonomie est bonne. Je pense à ce temps ici, t'es mieux de t'acheter une ou deux Volt que de t'acheter une i3. Pour le fait de ce qu'elle te donne pour le prix, là, une Volt, c'est une bargain, c'est un deal là, comparativement à ta i3 qui, tu sais, t'aurais fait Saint-Hyacinthe, Ottawa sans problème avec une Volt, d'une traite. Puis t'aurais pu dire, tu l'aurais branché pour la recharger pendant que t'étais là-bas, elle aurait été pleine quand tu serais parti probablement. Puis tu serais retourné chez vous d'une traite, puis au pire, tu aurais mis de l'essence avant de partir, puis tu aurais fait ton aller-retour presque d'une traite. Là. C'est ça qui me bug un peu avec la i3. C'est un bel essai, c'est une belle voiture, mais j'ai l'impression qu'on... Mets un plus gros réservoir. Là. Donne-toi une chance. Là. Ouais, pour le prix, là, je trouve ça un peu décevant. Mais bon. Je suis tout à fait d'accord, mon cher. Parfait. Moi, j'ai fait l'essai d'une voiture un petit peu différente. J'ai fait l'essai de l'Infiniti Q60. Que je n'ai pas essayé encore, je dois le dire. Faut que je sois totalement franc. J'ai toujours aimé cette catégorie-là de voitures chez Infiniti. J'étais un fan de la G35, un fan de la G37. J'ai toujours trouvé que c'était des voitures magnifiquement dessiné avec une allure sportive, une allure agressive pour une berline ou un coupé, parce que la G37 et la G35 avaient une version coupée puis une version berline. Ce qu'on a fait chez Infiniti maintenant, mais la Q50, c'est la version berline, puis la Q60, c'est la version coupée. Mais cette voiture-là est juste magnifique. Elle est agressive à souhait. On la regarde. Je faisais le tour de la voiture quand elle était stationnée dans mon entrée. Puis je la trouvais tellement belle. Il y a des prises d'air, ben c'est plus pour faire échapper probablement la chaleur des freins, choses là. Mais il y a des prises d'air chaque côté, juste en avant des portes, après les ailes de la voiture sur le côté, il y a des trappes d'air là. Je veux dire, juste le look de la voiture, la calandre, c'est vraiment hyper agressif comme voiture. C'est vraiment hyper joli. L'intérieur est très bien aussi, c'est très bien fini. On a deux écrans, un écran qui est probablement en permanence la navigation. Après ça, on a un écran où on peut contrôler les fonctions de climatisation, la musique, ces choses-là. C'est contrôlé sur le deuxième écran. Le volant se prend très bien en main. On a tous les contrôles possibles qu'on peut vouloir là, sur le volant directement, avec les contrôles de vitesse adaptatifs et tout ça. Les sièges sont très confortables aussi. On peut modifier aussi beaucoup la position de conduite. Moi, j'avais la version... c'est un peu drôle, là, mais il y a le même moteur a deux puissances différentes. C'est qu'on a un V6 biturbo de 3 litres qui développe 300 chevaux. Puis on a le même V6 biturbo de 3 litres qui développe 400 chevaux dépendant du modèle qu'on a. Il y a aussi un modèle plus bas de gamme avec un moteur 2 litres, là, un 4 cylindres 2 litres. Mais moi, j'avais la version entre les deux. J'avais la version V6 biturbo 3 litres qui développait 300 chevaux. OK, tu n'avais pas la Red Sport. Là. Non, j'avais pas la Red Sport. Je suis peut-être pas encore rendu là chez Nissan, là, mais j'étais bien, bien content d'avoir la Q60. Déjà, celle-là. Je te dis, je ne l'ai pas essayé, moi, encore. Ouais, sur le coup... Je me suis dit, un V6 biturbo qui développe 300 chevaux, je dis, me semble que c'est pas beaucoup. Mais, tu sais, il y a beaucoup de couples. La voiture est très, très nerveuse. Puis, on sent pas, tu sais, que, tu sais, quand t'as conduit, tu te fous un peu de ça. Tu vois, la voiture est rapide, la voiture est maniable. Le son du moteur est vraiment très bien. Là, on a un beau son de V6 qui gronde quand on appuie sur l'accélérateur. C'est une voiture que j'ai vraiment, vraiment adorée. Franchement, c'est sûr, certains côtés familiales, la Q50 serait plus pratique pour moi parce qu'elle a quatre portes et tout ça. Mais la Q60 est tellement belle. C'est tellement une voiture que j'ai adoré conduire. Je l'aurais vraiment gardée dans mon entrée. Là. C'était vraiment merveilleux. Elle était d'un bleu aussi. un bleu un peu mauvais, là. Oui. Puis, je veux dire, les gens l'ont remarqué au bureau, là. Ouais, un vrai beau bleu, là. Les gens au bureau l'ont remarqué. Ils disent, ah, c'est-tu toi qui conduis la voiture bleue dehors, la magnifique voiture bleue? Il y a quelqu'un qui m'a dit, j'ai dit, oui, c'est moi qui ai conduit cette semaine. C'est une voiture qui est vraiment magnifique. Le bémol, c'est son prix, là. La version que j'avais et a un prix de détail de 52 990 $. On ajoute aussi bon, des frais. J'avais 2 000 $ d'options. On tombe à 54 900. On rajoute les frais de transport. C'est 56 985 $. Mais c'est une berline ouais. de luxe sportive. Hein? C'est vraiment... c'est une voiture... Oui, puis... T'sais... Toi, est-ce que tu avais le Direct Adaptive Steering dessus? Oui. Oui, ça aussi, ça contribue largement à... améliorer les conditions. Là. Oui, puis la voiture, je veux dire, c'est une joie à conduire. Là. Puis, tu sais, j'ai même pas... oui, je l'ai... Ben, j'ai eu pas eu des conditions super bonnes vers la fin de la semaine, ce qui a monté ma consommation d'essence. J'ai fini à 10,5, mais pendant la semaine, je l'ai descendu. J'étais à 9,9 à un moment donné. J'étais en bas du 10 litres au 100 km, puis je faisais pas super attention. Là, t'sais. C'est le genre de voiture que tu veux pousser un peu. C'est vrai. Non, c'était vraiment bien côté consommation d'essence aussi. Fait que je pense que Infiniti a un beau produit avec cette voiture-là. C'est sûr que c'est cher un peu, mais tu sais, on a beaucoup d'équipement, une transmission automatique à 7 rapports, transmission qui fait un très très bon travail, des jantes de 19 pouces avec des pneus d'hiver, je sais pas si tu le sais, là. c'est des grosses, ouais. c'est quand même des grosses pattes. C'est une voiture qui a de la gueule. Là. C'est vraiment une magnifique voiture. J'ai pas été déçu. Moi qui ai toujours été un fan de cette famille de voitures-là, l'avoir entre les mains finalement, là, j'ai vraiment, vraiment trouvé ça intéressant. Donc, pour moi, ça a été un de mes grands coups de cœur cette année, la Q60. Là. Je m'allais l'appeler la G60, parce que j'ai encore les G dans la tête. Là. Ça fait pas si longtemps que ça a changé, là, mais... C'est les Q quand c'est des voitures et c'est les QX quand ce sont des utilitaires. C'est ça, mais avant c'était des G, tu sais, G35, G37, ouais. Fait que ça a changé il y a quelques années. Mais c'est une voiture vraiment qui, tu sais, elle a de la gueule, elle a l'air agressive et elle a aussi, elle a pas juste la prétention, elle est capable aussi d'en donner. Fait que je trouvais que c'était vraiment, vraiment intéressant comme voiture. Si vous avez les moyens, allez essayer ça, vous allez voir, vous ne serez pas déçus. Ça a de la gueule et ça se laisse conduire. C'est un plaisir de conduire cette voiture-là. Mais le prix, bon, presque 57 000 $. C'est pas dans mon budget. C'est peut-être dans le vote chez Marc. Toi, tu vas t'en commander deux, mais c'est ça. Arrête, là. Tu sais que tu rêves d'en avoir une. Là, c'est parce que t'as juste pas réussi à convaincre ta femme encore, mais ça serait tardé. Ouais, non, je penserais pas. Je peux pas me rendre jusque-là. Pas encore. Donc c'est ça. Magnifique voiture. On va faire une autre petite pause. Puis Marc, on va revenir avec un petit voyage que t'as fait avec Ford pour essayer deux véhicules assez performants. Le F-150 Raptor et la Ford Focus RS. Alors, nous sommes de retour. Et Marc, on poursuit dans la jalousie et l'envie de ma part, voyons, parce que c'est ça. Tu as été essayer deux véhicules que ma foi, je trouve plutôt intéressants. Tu as été essayer le Ford F-150 Raptor, qui est la version assez musclée du F-150, donc presque la version de course et hors-route du F-150, et aussi la voiture qui était en lice comme voiture de sport de l'année, la Ford Focus RS. Comment ça s'est passé, ce petit périple-là? Écoute, c'était un périple assez particulier puisque ça se passait à Mécaglis. À Mécaglis, tu le sais, on est allé ensemble pour le Camphor, entre autres avec Porsche. Mm-hmm. C'est un endroit absolument idéal si vous voulez apprendre à conduire sur glace parce que le décor est incroyable, les conditions sont magnifiques, l'endroit est super bien entretenu. Bref, c'est vraiment, vraiment cool. Ouais. Alors, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on est arrivé là et on avait en plus une brochette d'instructeurs vraiment là à se rouler par terre. OK. Okay. L'instructeur chef, c'était Philippe Letourneau. OK, ouais. Philippe Letourneau, que tu connais probablement comme étant l'instructeur de conduite haute vitesse dans Canada's Worst Driver. Mm-hmm. Il était secondé des deux frères Dumoulin, entre autres. OK. Louis-Philippe et Jean-François, dont un a été champion de NASCAR il y a 2 ans. L'autre qui a couru en American Le Mans. Bref, des pilotes de fou. Claude Bourbonnais. Champoux était là, Il y avait Andrew Ranger, il y avait Xavier Coupal, qui est le champion de la Coupe Micra actuellement. Bref, c'était des instructeurs qui, disons, savent comment tenir un volant. Ben, Claude Bourbonnais, je me trompe Alors, pas, il a sa propre école de conduite sur glace aussi. Ou il y avait, exactement, ouais. dans le coin de Vaudreuil, Ouais, c'est ça. il l'a exactement. Et Claude Bourbonnais, ceux qui ne le replacent pas, c'est l'ancien coéquipier de Jacques Villeneuve au moment où celui-ci était encore au Canada à faire à faire des courses. Fait que ça vous donne une idée là, que c'est quand même pas des manches. Ceci étant dit, on nous a fourni donc les deux véhicules. Le premier, moi, ce que j'ai fait, c'est le Raptor. Le Raptor, on nous a amené dans une piste qui normalement sert à l'entraînement de la conduite de rallye. Alors, c'est une piste qui est étroite, qui est sinueuse, qui a des arbres un peu partout, qui était sur la glace, la neige, la gadoue, la boîte, parce que ça avait fondu, ça l'a regelé, ça l'a refondu. Bref, c'était assez la totale. Mais le Raptor, il s'en fout. Parce que le Raptor, d'abord, tu le dis, c'est le grand frère du F-150. C'est donc un véhicule qui a la même plateforme, qui reprend bien sûr en bonne partie les composantes aluminium, qui est plus large de quelques centimètres, qui est surtout plus haut, qui compte sur des suspensions, des Fox vraiment surélevées qui sont faites pour ces conditions-là. Et sous le capot, ben, c'est le moteur V6 3.5 EcoBoost qu'on a un petit peu boosté. C'est-à-dire qu'il est à 450 chevaux et à 510 livres-pieds de couple, jumelé à la nouvelle boîte de vitesse 10 vitesses de Ford. Ceci étant dit, après ça, ben là, évidemment, autour de ça, tu as quand même un F-150, là, avec tout l'équipement que ça implique en termes de confort. En termes de... Mais là, je ne veux pas rentrer dans ces détails-là parce que ça, je pense que les gens le connaissent bien. C'est un véhicule que l'on connaît et qui va très bien. Une fois ça dit, on est donc parti au volant de ça. On l'a mis en mode sport. On a désactivé les quatre roues motrices pour tomber à deux roues motrices et on est allé se promener dans les sentiers. Et honnêtement, jamais, jamais le camion a même eu de la misère à passer n'importe où. Vraiment, là, il s'est comporté comme s'il avait fait ça toute sa vie. C'est vraiment, c'était assez extrême comme condition, mais c'est sûr qu'il aurait été capable d'en prendre 12 fois comme ça, Ben oui, là. surtout. Même en quatre roues motrices, ça aurait probablement été encore plus stable. Mais là, il était quoi propre. Ben, avec un F-150, quand tu désactives, c'est une propulsion. Ça doit être assez Mais plaisant. Avec des pneus à clous, j'imagine, des pneus faits pour on ça. n'avait pas tenu à clou dans ce Ah cas-ci. non? OK. Non, pas pour ce sentier-là, parce que c'était vraiment plus un sentier boisé et OK. c'était destiné à montrer un peu de quoi était capable. Mais je te dis, pour le Raptor, ce sentier-là était bébé facile. OK. C'était vraiment, il a jamais eu la moindre difficulté. OK. Par la suite, on a eu l'occasion de l'amener sur la route. Là, encore une fois, il s'est super bien comporté, agréable, relativement puissant quand tu le laisses en mode sport. Si tu changes le mode sport, cependant, tu vas vers les autres modes. J'ai trouvé que la boîte de vitesse réagissait drôlement et que dans certains cas, l'accélérateur te donne la sensation de manquer de puissance un peu. Mais bon, c'est vraiment, tu sais, ça, écoute, on parle vraiment de détails extrêmement pointus, là, parce que faut vraiment jouer avec les modes de conduite pour ressentir tout ça. Et évidemment, ben, comme tous les camions du genre, à vitesse d'autoroute, ça sautille, ça saute partout. C'est pas fait pour rouler là à des grandes vitesses. C'est vraiment fait pour le travail. C'est vraiment un véhicule. Moi, j'adore le Raptor. J'ai toujours aimé le Raptor. Et honnêtement, on a réussi un très très bon travail avec celui-là. On a fait quelque chose de vraiment très très cool. Mais Ça. j'aurais cru que le Raptor serait peut-être moins fait pour travailler, tu sais, donc il serait peut-être un peu plus confortable à l'aise que un F-150 régulier qui est plus fait pour tirer. On s'entend, un Raptor, c'est fait pour faire de la piste ou montrer un peu qu'on est capable de s'acheter un Mais Raptor, tu sais. oui, parce que celui que j'ai conduit valait quand même 91 000 piastres. C'est Mais ça. non, en fait, objectivement, non, on a vraiment conservé les propriétés de travail et sensiblement les mêmes capacités de remorquage que le F-150 traditionnel. Alors non, il n'y a pas vraiment de... ça fait vraiment partie là, de l'ADN du F-150 que d'être en mesure de travailler, puis c'est ce que ça a donné, là. Mais il est beau et agressif à souhait. J'aime beaucoup Oui, totalement. l'allure En fait, du Raptor. on a refait toute la partie avant. À partir du pilier A vers l'avant, là, ça a tout été refait. C'est pas évident dans le sens où ça ressemble étrangement à ce que c'était, mais c'est plus haut, plus large, c'est mieux protégé en dessous pour être capable d'aller dans des conditions un peu plus extrêmes. Donc, vraiment, on a réussi un beau, beau travail avec ce véhicule-là. Moi, je trouve ça magnifique. C'est bon. Par la suite, là, j'ai décidé d'aller me faire honte un peu parce que là, on est allé vraiment sur la piste, les mêmes pistes à peu près qu'on avait utilisées quand on a fait le fameux Cam4. Mm-hmm. Donc, on est au volant des Focus RS. Focus RS, je te le rappelle, c'est des voitures qui ont 350 chevaux, 350 livres-pieds de couple, rouage intégral. Donc, c'est vraiment une voiture qui est faite pour se déplacer, peu importe les conditions. On l'a mis en mode drift, parce qu'elle a un mode drift. Oui. On avait des pneus à clous. J'avais au côté de moi Andrew Ranger qui me servait de guide. Qui Et devrait on être est pas parti. pire, ouais. Ouais, c'était pas pire. J'ai pas d'honneur, par exemple, pour aller faire ça, mais en tout cas, c'était quand même cool. Et mais c'était vraiment, vraiment, vraiment incroyable. C'était tellement le fun. Parce que cette voiture-là se conduit littéralement toute seule. La première partie, c'était un grand slalom. OK. Au bout duquel, il y avait un virage très serré vers la gauche qui était totalement glacé. OK, Okay? ouais. Sauf qu'on a des pneus à clous. Fait que ça mord pas à Et peu on a. près, là. Oui, puis on a une voiture qui est conçue pour ça, avec un rouage intégral intelligent, qui est capable de transférer son couple, non seulement d'en avant en arrière, mais de chaque côté. Ouais. Ford Alors, a quand tu tellement pars en... confiance aux qualités hivernales de la Focus RS qui donne des pneus d'hiver avec quand t'achètes l'auto. Exactement, C'est comme, exactement. va t'amuser. Là, tes pneus C'est ça, d'hiver, mais va c'est vrai. t'amuser. Mais c'est vraiment ça. Ouais. Puis le principe, c'est que quand tu pars en dérapage, tu lèves le pied, mais là, les systèmes n'embarquent pas. Alors, l'idée, c'est vraiment d'appuyer assez fort pour être en mesure de faire marcher tous les systèmes. Alors, j'ai fini par conduire la voiture, par connaître le tracé et conduire la voiture du bout des doigts. Écoute, elle se déplace avec une grâce sur la glace, mon ami. C'est incroyable. Les accélérations sont incroyables, mais c'est surtout la tenue de route et la maîtrise qu'on peut avoir avec ce véhicule-là. Bien sûr, comme je te dis, j'ai eu mon guide au début qui m'indiquait les meilleures trajectoires sur le circuit que lui avait essayé. Mais en bout à la fin de mes essais, si tu veux, je me débrouillais relativement bien, même à ma grande surprise, très, très bien. Écoute, tu prends des virages avec ça, tu es capable d'anticiper les mouvements, tu es capable de placer la voiture comme tu veux. Elle était vraiment aussi à l'aise presque sur la glace qu'elle ne pouvait l'être sur la route. C'est vraiment, vraiment spectaculaire. Ouais, j'ai pas de misère à J'ai d'ailleurs croire. été. T'sais, la Focus RS, c'est une petite nouvelle pour nous autres, mais ça fait des années que ça existe en Europe, là. C'est Oui. pas une nouvelle voiture, là. Ford n'a pas décidé, t'sais, a pas accouché de ça la semaine passée, là. Ça fait des Non, années que pas ça du tout. gagne des rallyes un peu partout, puis c'est une voiture établie, là. Fait que, Oui, ouais. puis écoute, c'est tellement le fun. C'est tellement le fun à conduire. Et comme je te dis, c'est une auto qui, par la suite, on l'a emmenée sur la route. Là, je t'avoue que ça a été un petit peu moins concluant, mais pour une raison tout à fait personnelle. À l'intérieur, la voiture, elle est bien équipée, là, t'sais, système 5, 3 de Ford et tout. Et elle a des sièges Recaro extrêmement moulants, extrêmement serrés, destinés à te tenir en place, peu importe les conditions. Ouais, fait que tu te sentais comme Mon si t'étais problème, pour aller faire de la plongée sous-marine dans un wetsuit. c'est un peu ça. Ouais, C'est que mon OK. problème, c'est qu'évidemment, j'ai un peu oublié ma taille de jeune homme depuis quelques années. Je suis tombé d'ailleurs tout à l'heure sur des photos scannées de mon mariage en 2001. Et d'après moi, mettons, il rentrait deux Marc Bouchard de 2001 dans le Marc Bouchard actuel. En tout cas, bref, évidemment, quand je suis allé m'installer là-dedans, là, je suis un peu coincé et les conditions sont moins idéales pour quelqu'un qui a ma shape. D'autres éléments, c'est que les suspensions sont vraiment conçues pour une conduite sportive, sont vraiment conçues pour être un peu malmenées. Alors, dans cette optique-là, ben, ce que ça fait, c'est inévitablement, ça nous amène à être un peu, je dirais, c'est un peu sèche quand on arrive sur les routes ordinaires. Alors, je trouve ça, c'est un peu extrême, là. Il faut vraiment vouloir ce véhicule-là pour le. Mais c'est une machine de guerre, littéralement. C'est une auto dont je ne me lasse pas jamais. Je la conduirai tout le temps, tellement. Mais t'as toujours envie de la pousser à bout, là. On Ça dirait qu'elle peut fait venir dur ça, là. sur le permis. Oui. On va dire, il faut que je fasse très, très attention, parce que j'avoue que j'aurais tendance probablement à excéder un peu les limites permises avec ce véhicule-là. Bref, ça a été vraiment, vraiment cool. Ça nous a aussi permis d'essayer, parce que là, j'en ai pas parlé, on a parlé juste des deux voitures de performance, mais ça nous a aussi permis d'essayer le nouveau F-150, justement avec la nouvelle boîte de vitesse 10 vitesses. On le sait, c'est une grande nouveauté là, chez Ford. Elle fait bien le travail. sur le Raptor, tu vois, je trouvais que parfois, elle réagissait drôlement en rétrogradation. Probablement parce que la façon dont elle est calibrée, là, ça fonctionnait moins bien pour moi, mais vraiment sur la route, avec le F-150 traditionnel, elle a fait vraiment, vraiment un beau boulot, un travail incroyable, et honnêtement, j'étais très, très heureux de l'essayer comme ça. On est parti de l'aéroport Montréal, on est allé dans les Laurentides avec, et on est revenu, et honnêtement, là, ça s'est déroulé, sans aucune difficulté, sans problème. Donc, le nouveau F-150 avec la nouvelle transmission, moteur 3.5, franchement, ça fait tout à fait le travail. J'ai hâte de voir si ça va aider aussi côté consommation quand on tire quelque chose, parce que je connais des gens qui ont un F-150, ils ont été vers ça au lieu d'aller vers un V8 et ils le regrettent un peu quand ils ont à tirer des charges lourdes. L'EcoBoost n'était pas vraiment performant dans ce côté-là. Je me demande si la nouvelle transmission va aider un peu à diminuer les Ben, consommations. elle est supposée aider, mais là, tu comprendras que c'était difficile pour nous de Oh l'évaluer, ouais, là. t'as pas tiré Elle est quelque chose, là. supposée, non, elle est supposée aider, là. Évidemment, mais on verra ce que ça va donner. C'est bon. Donc, Marc, merci. Je suis jaloux. J'espère bien avoir la chance de conduire la Focus RS à un moment donné. C'est une voiture. J'aurais eu la chance de la conduire si j'avais été au test fest de la Jacques, mais malheureusement, le destin en a décidé autrement. Fait qu'on verra si j'aurai la chance un jour de m'asseoir au volant de cette magnifique petite voiture. En attendant, on va faire une pause et on revient avec les nouvelles. Donc, nous sommes de retour et Marc, c'est le dernier bloc de l'émission. C'est notre bloc nouvelles. Qu'as-tu pour nous comme nouvelle dans le merveilleux monde de l'automobile cette semaine? Ben, la première nouvelle, évidemment, j'en ai glissé un mot tout à l'heure, c'est la raison pour laquelle je suis allé à Ottawa, c'est que je suis allé essayer des nouveaux pneus d'hiver lancés par BF Goodrich qui s'appellent les Winter KSI, des pneus qui vont être disponibles à partir du mois de septembre. C'est des pneus, on va le dire là, c'est pas des pneus haut de gamme. C'est des pneus de bonne qualité, mais c'est des pneus moyenne gamme. C'est pas, je dirais, c'est pas au niveau là des Michelin X-Size, par exemple. Bon, mais de toute façon, Et on c'est pas les pneus que le monde recherche. Le monde recherche des pneus beaux, bons, pas chers. Ça va peut-être rentrer C'est dans ça. cette catégorie-là plus, là. Ça rentre dans cette catégorie-là. Honnêtement, ils ont fait un très, très bon travail. On a eu l'occasion de jaser avec Andrew Comrie-Picard, qui est un ancien champion des X-Games, un ancien champion de rallye, qui a couru beaucoup sur des pneus BF Goodrich et qui nous expliquait tous les détails et toutes les particularités de ce nouveau pneu-là. Entre autres, bien sûr, la nouvelle composition du caoutchouc avec beaucoup de silice à l'intérieur. La silice, ce que ça fait, en fait, c'est ça a deux éléments particuliers. D'une part, ça agit comme agent pour aider à avoir de la grippe, à avoir de l'adhérence, mais ça permet aussi de mieux répartir la chaleur dans le pneu. Alors, c'est-à-dire que si ton pneu chauffe trop, il va s'user plus rapidement. Ouais, parce que le caoutchouc fond. Exactement. Et là, la silice, elle répartit la chaleur, même en freinage, donc ça permet d'avoir des pneus qui sont plus résistant, peu importe les conditions. Et comme la silice, au fond, c'est du sable, là, littéralement, c'est pas fragile à la température. Donc, Peut-être même bon quand pour le c'est très Québec, froid, parce que tu sais, quand Dame Nature décide de nous mettre les 4 saisons dans la même semaine, ça va peut-être être bon. Exactement. Ouais. Exactement. Bon, évidemment, ces pneus-là ont aussi été modifiés considérablement au niveau des dessins, par exemple, des semelles qui ont été redessinées. On a modifié aussi certaines arêtes latérales de façon à donner plus de grip, là aussi dans des conditions plus difficiles, mais en même temps d'éviter les problèmes de déviation latérale. Alors, bref, on a vraiment fait un beau, beau travail. C'est des pneus qui vont arriver en septembre. Évidemment, on les a testés dans des conditions, disons, sur glace artificielle quasiment, là, c'est-à-dire qu'on était allé au musée de l'aviation à Ottawa et on avait préparé des circuits. Oui, on a senti parce qu'on nous avait mis quelques concurrents dans ces pneus-là, mais oui, on a senti que les BF Goodrich avaient un avantage particulier. Là où ils ont eu un avantage certain sur la plupart des concurrents qui étaient là, c'était au niveau de la distance de freinage. Ça, vraiment, ça a paru, et je l'ai vécu, je peux te dire que ça a vraiment paru. Dans les autres cas, c'est vraiment plus subjectif, je te dirais, mais c'est quand même des pneus qui ont vraiment fait un bon travail. Donc, c'est à surveiller les BF Goodrich KSI qui vont arriver pour l'hiver prochain. Ça nous a permis de savoir aussi qu'au Canada, 68% des autos sont équipées de pneus d'hiver. Faut 68. rappeler que Ouais, mais c'est parce qu'il faut rappeler qu'il y a juste le Québec où c'est obligatoire. Oui, c'est vrai. Ouais, Alors, ça devrait l'être partout, là, mais oui. c'est ça. Mais on n'est pas rendu là encore. Alors, c'est donc, c'est pas, disons que on n'est pas, en Ontario, ils n'en veulent pas, dans le sud. Il y a des endroits aussi, comme dans les Rocheuses, où je pense qu'on devrait en... Je sais qu'il y a des endroits où tu es obligé, là. Tu as des places où tu es obligé d'avoir des chaînes. Ouais, c'est ça. Mais, donc, c'est pas partout. Ouais, OK. Dans les autres nouvelles à surveiller cette semaine, les incontournables salons, mon ami. Cette semaine, il y a deux salons. Il y a d'une part le Salon de Québec qui se poursuit jusqu'à dimanche. Oui. Si vous n'êtes pas allé, allez-y, ça vaut la peine parce qu'il y a des affaires intéressantes qu'on ne retrouve pas à Montréal, mais ce ne sont pas des modèles de voitures. Les modèles d'auto qu'on a vus à Montréal, c'est les mêmes qu'on retrouve à Québec. Il n'y a pas de nouveautés exclusives à Québec. La différence, cependant, elle vient d'ailleurs, elle vient dans certains éléments. Par exemple, il y a un pavillon qui s'appelle le pavillon de la voiture et le cinéma. Oui. Et là, c'est des autos qui ont été soit refaites ou reconstituées d'après certains films. Et dimanche, il y aura un groupe d'amateurs de Star Wars qui vont arriver costumés. Et OK. avec qui c'est possible de prendre des photos, et puis ils vont avoir des véhicules là-bas, des reproductions de véhicules Star Wars. Alors, il y a des affaires comme ça, donc ça vaut la peine. C'est aussi possible d'essayer des voitures électriques. C'est aussi possible d'essayer des voitures exotiques. Il y a d'ailleurs une exposition de 8 Lamborghini, dont certaines assez rares. Alors, je pense que si vous n'êtes pas allé, ça vaut la peine. Ouais. Là, l'autre salon dont je voulais te parler cependant, c'est celui de Genève, Oui. qui lui se déroule actuellement. C'est un salon qui généralement propose beaucoup de voitures haut de gamme. Ouais. Je dirais même de très haut de gamme. Ouais, voiture pas achetable pour le commun des mortels. Non, pas du tout. Et c'est souvent aussi des voitures qui sont conçues par des designers spéciaux un peu, par Rinspeed, par Pininfarina, par des trucs comme ça. Donc, on est vraiment là-dedans, là-bas. Donc, tu t'étonneras pas de savoir, par exemple, que parmi les nouveautés, il y a la nouvelle Aston Martin Valkyrie, qui est un concept absolument spectaculaire. Il y a Porsche qui a présenté la Panamera Sport Turismo 2018, qui est une espèce de Panamera familiale. Je ne sais pas si tu l'as vu, moi, je trouve ça magnifique. Non, je l'ai pas vu. Une Panamera Station Wagon, je la trouve absolument super belle. Donc ça, c'est intéressant. Ils ont aussi présenté la Turbo SE hybride. Alors, comme tu vois, on est dans les voitures abordables, ça se peut plus. Moi, c'est ça. Ital Design qui a présenté un concept qui s'appelle le Zeruno, qui est, bon, à mon sens, totalement laid, mais on a chacun nos goûts. Lamborghini qui a présenté une version performante de sa Huracan. Mercedes-Benz qui est arrivé avec un autre concept GT absolument spectaculaire. Tu le vois là, on est vraiment dans les voitures haut de gamme. Mais il y a quand même des voitures plus abordables qui ont été présentées là-bas. Ah, j'oubliais la RS5 coupée et le Q8 Sport Concept de Audi aussi là, qui ont été présentés là-bas. Donc, on était quand même là, dans le luxe. Il y a quand même des voitures plus abordables qui ont été présentées là-bas. Je pense entre autres à la Honda Civic Type R, dont on connaît enfin la puissance, Bon. parce que ça faisait longtemps qu'on nous la promettait, mais on ne l'avait pas encore. On avait vu juste des prototypes. Là, c'est la version de production. Je peux te dire que ça n'a absolument rien changé. Ou presque rien, à part la peinture, là. Ils ont littéralement rien changé sur le véhicule. 303 chevaux, ça va être intéressant. Boîte manuelle seulement, donc ça risque d'être ça aussi fort intéressant. Alors, et bien sûr, traction intégrale, donc on Ah, verra ce que ça va être. Pas traction intégrale. traction avant. Traction avant. Oui, c'est ça, la langue m'a fourché. J'allais dire, ah, enfin, on se demandait justement s'il y avait... Non, oups, déception. Une déception. Ouais. Puis, c'est ça. Alors ça, mais en tout cas, on verra ce que ça va donner. Ça risque quand même d'être intéressant. Parmi les autres nouveautés, il y a Subaru qui a dévoilé son XV. C'est en fait son nouveau Crosstrek. C'est tout simplement parce qu'on l'a basé sur la nouvelle Impreza. Donc, on est basé sur la Subaru Global Platform, là, qui sert à toutes les sauces pour Subaru. Écoute, tu as vu l'Impreza, tu as vu le Crosstrek, tu n'es pas très loin de ça. On n'a pas réinventé la roue là non plus. On fait quelque chose qui est assez similaire à ce qui se passait. OK. Mais on avait vu le concept, je pense. C'était-tu à Montréal ou c'était à Toronto qui avait présenté le concept du Cross Track? Je pense que c'était à Montréal était Montréal, hein? le... Puis on s'était dit, bah, c'est quand même pas si loin de ce que ça pourrait être. C'était plus proche de la vérité que le concept de l'Impreza était, là. Mais, Oui, c'est fait, ça. ouais, Mais c'est c'est ça. ça. On est plus là. Hein. Fait que c'est ça. C'est bon. Dans les autres nouveautés, Volkswagen qui a présenté son Arteon. L'Arteon, en fait, c'est le, comment je pourrais dire, c'est la version. C'est plus grand qu'une Passat. OK. C'est prévu pour 2018. C'est une grande berline fastback, là. Un peu comme la Audi A7 ou des choses comme ça. OK. Donc, une voiture qui va arriver. On va voir qu'est-ce qui va s'attendre au Canada. Parce que en Europe, on a annoncé 6 motorisations différentes. Chez nous, théoriquement, on devrait avoir un seul moteur, 275 chevaux, boîte DSG 7 vitesses et rouage intégral. Mais ça devrait être en vente tôt en 2018. Donc, on verra ce que ça va donner. Elle est jolie. Elle est bien faite. Je pense que Volkswagen a le vent dans les voiles et ça paraît. Ouais, ils lancent des Ouais. bons produits. Ils sont en train de se remettre tranquillement du Dieselgate. Puis regarde, je veux dire, le monde s'en fout un peu. Oui. T'sais, c'est une Volkswagen qui a gagné voiture de l'année. Oui, puis son numéro 1 mondial au niveau des Ouais, ventes. fait que gars, ils vont s'en remettre, là. Ça a coûté cher, mais ils C'est vont clair. s'en remettre. Oui, c'est très clair. Ouais. Autre nouveauté, le Volvo XC60, l'utilitaire sport de moyenne gamme du constructeur suédois-chinois. C'est un très, très beau véhicule. À mon avis, je pense que Volvo est tellement dans une passe évolutive. Ce qu'ils font, c'est tellement beau. Ouais, ça fait du Moi, bien parce j'adore ce qu'ils qu'ils ont ont fait. longtemps eu des voitures difficiles à regarder, là. Mais oui, dernièrement, ils sortent des voitures vraiment magnifiques, là. Franchement, là. Écoute, moi je roule la S90, là, puis c'est une méchante machine de fou. Dans les autres choses particulières, il y a Mitsubishi qui a présenté son fameux concept d'utilitaire sport qui s'appelle l'Eclipse Cross. Bon, en tout cas, on verra ce que ça va donner. On a repris le nom Eclipse. Ah ben. Ouais, un peu le nom Eclipse. Évidemment, c'est une espèce de. C'est gros comme un petit peu plus petit que l'Outlander. Ouais. En tout cas, disons que c'est. On va voir ce que ça va donner, tout simplement. C'est un autre concept d'une compagnie qui n'a pas trop l'air à savoir où ce qu'ils s'en vont. Mais regarde. Exactement. Mais par contre, ça c'est un concept qui va arriver en 2017, là. Il va arriver d'ici la fin de l'année, là. Ouais, l'Outlander PHEV aussi était supposé arriver l'année passée, puis il n'est pas arrivé Ouais. encore. Et Fait que, non. ouais. Ah, t'es de mauvaise foi que t'es de Ben mauvaise foi. non, c'est parce qu'à Finalement. un moment donné, quand t'es une compagnie, dis toujours, regarde, ça s'en vient, puis OK, ça s'en vient. Ça s'en vient quand? Ben, ça s'en vient, là, c'est imminent, là. On n'a pas toute la même. Imminent veut pas dire la même chose pour tout le monde, on dirait. Mais bon, regarde, je veux dire, faut qu'il fasse de quoi à un moment donné, parce que sinon. Juste aussi bien de mettre la clé dans la porte à un moment donné. Fait que Ouais, effectivement. peut-être que c'est là que ça va arriver. Ouais, non, effectivement. Et finalement, je dois dire que la dernière, mais non la moindre, la palme de l'affaire la plus lettre, c'est la Volkswagen Scenic, qui est une espèce de boîte à beurre sur roues, qui est supposément le présage nouveau style Volkswagen et de sa voiture autonome. Bon, moi, je trouve ça bien lettre, là. Écoute, allez la voir, je pense que c'est tout ce qu'il y a à dire. C'est un véhicule qu'on appelle véhicule de niveau 5 au niveau de l'autonomie, donc qui te conduit comme un chauffeur privé sans que tu aies besoin de rien lui dire. Mais bon, en tout cas, moi je trouve ça laid. C'est pas mal l'essentiel de ce que je peux en dire. Ouais, je viens de voir ce que. Ouais, ok. On dirait qu'ils reprennent un peu le principe de ces BMW qui avaient présenté une voiture avec comme pas de roues, les roues cachées ou des choses comme ça, mais là, Oui, c'est mais pour son vraiment autre, centième là. anniversaire, là. Ouais, c'est ça. Mais ça se modifiait selon les conditions pareilles. Ça a l'air juste comme des roues Non, c'est juste. cachées, là, mais c'est. C'est une bébelle. C'est pas C'est laid, juste une c'est bébelle. comme affreux. C'est ça. Ouais, c'est non. Mais bon, c'est une affaire de designer encore, là. C'est parce qu'on n'est pas assez brillant, toi, puis moi, on comprend pas, probablement. On dirait qu'ils ont Enfin, dernier départ. regardé, on dirait qu'ils ont regardé Space 1999, là, les vaisseaux étaient carrés de même dans le temps. On dirait qu'ils se sont Ouais, basés c'est ça. là-dessus. Ouais. C'est ça, en tout cas. Fait que, Alors, dans les autres, bon, tu as le Lexus LS 500H qui a été présenté, une nouvelle Ford Fiesta aussi, ST, probablement, qui va s'en venir. Bref, on était vraiment dans beaucoup de nouveautés, mais il faut attendre de voir quelles sont les nouveautés qui ont été présentées à Genève, qui vont traverser l'Atlantique. Ça, c'est toujours la question à laquelle, malheureusement, on n'a pas de réponse rapide. Ouais, souvent la réponse c'est vraiment pas grand-chose, mais on verra ce qui va arriver. Aussi, j'ai vu passer ça vite vite. Inside EV aujourd'hui ou cette semaine là, a dit que Nissan présenterait la nouvelle Leaf au mois de septembre, puis elle sera en vente d'ici la fin 2017. Fait Mais que en fait, normalement, Nissan doit la présenter au salon de Francfort ouais, en septembre. c'est ça. Alors, on va voir ce que ça va donner. Ce que je peux te dire, c'est que Nissan, pour le moment, ils n'ont rien de plus, hein. C'est le salon de New York, là, à la mi-avril, puis Nissan n'a même pas de conférence de presse au salon de New York. Ça va être tranquille jusque-là, mais c'est ça. La prochaine grosse affaire, ça devrait être la Leaf. Là, on parle 350 km d'autonomie, quelque chose comme ça. Voiture qui peut avoir semi-autonome. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Fait que ça me donne une raison d'avoir hâte en septembre, parce que septembre, c'est l'automne qui arrive. Ça, c'est l'hiver, puis c'est plate, puis c'est long. Mais si au moins il y a ça va être une bonne nouvelle. Donc, Effectivement. Marc, on va terminer là-dessus. Si les gens veulent te rejoindre, comment font-ils cela? Alors, la meilleure façon, c'est d'aller sur ma page marcbouchard.ca. Vous avez là mon adresse courriel, les façons de me voir sur Facebook, sur Instagram, sur Twitter, Marc souligné Bouchard. Vous pouvez me suivre là et j'ai pas mal toutes les informations que je mets, je les mets là-dessus. Alors, il n'y a pas de problème. C'est bon. Et on a aussi notre adresse courriel qui est info@saroulradio.com. Vous pouvez nous écrire là. Moi et Marc, ou Marc et moi recevons les courriels. Moi, c'est sur Twitter, @Ascalazormo. Il y a aussi, bon, la page Saroul Radio sur Facebook, le compte Twitter Saroul Radio. On a le site saroulradio.com et vous pouvez nous écouter à partir de iTunes, Google Play. On est aussi sur quelques radios Internet. Donc, on n'est pas partout, mais on est à pas mal de places. Donc, si vous voulez nous écouter, vous pouvez nous trouver là. Donc, Marc, merci encore d'avoir fait cette émission avec moi cette semaine. J'espère que ta grippe va se replacer, que tu vas être en meilleure forme la semaine prochaine. Et puis, Écoute, je m'en vais prendre l'avion dans quelques heures et je regarde ça avec tellement de peur, mon cher. ouais. Bonne chance aux gens qui vont être alentour de toi dans cet avion. Donc, Effectivement. on vous dit à la semaine prochaine. Bye tout le monde. Bye.